10. Sans rien conclure de cette expérience incomplète, bien d'autres traits curieux nous obligent d'admettre qu'elles ont entre elles des rapports spirituels qui dépassent la portée d'un oui ou d'un non, ou de ces relations élémentaires qu'un geste ou l'exemple détermine. On pourrait citer entre autres la mouvante harmonie du travail dans la ruche, la surprenante division de la besogne, le roulement régulier qu'on y trouve. Par exemple, j'ai souvent constaté que les butineuses que j'avais marquées le matin s'occupaient l'après-midi, à moins que les fleurs ne fussent très abondantes, à réchauffer ou à éventer le couvain, ou bien je les découvrais parmi la foule qui forme ces mystérieuses chaînes endormies au milieu desquelles travaillent les cirières et les sculpteuses. J'ai observé aussi que les ouvrières que je voyais recueillir le pollen durant un jour ou deux n'en rapportaient point le lendemain et sortaient à la recherche exclusive du nectar, et réciproquement. On pourrait citer encore, au point de vue de la division du travail, ce que le célèbre apiculteur français, Georges de Layens, appelle la répartition des abeilles sur les plantes mellifères. Chaque jour, dès la première heure de soleil, dès la rentrée des exploratrices de l'aurore, la ruche qui s'éveille apprend les bonnes nouvelles de la terre. Aujourd'hui fleurissent les tilleuls qui bordent le canal. Le trèfle blanc éclaire l'herbe des routes. Le mélilot et la sauge des prés vont s'ouvrir. Les lys, les résédas, ruissellent de pollen. Vite, il faut s'organiser, prendre des mesures, répartir la besogne. 5 000 des plus robustes iront jusqu'aux tilleuls. 3 000 des plus jeunes animeront le trèfle blanc. Celles-ci aspiraient hier le nectar des corolles. Aujourd'hui, pour reposer leur langue et les glandes de leurs jabots, elles iront recueillir le pollen rouge du réséda, celle-là le pollen jaune des grands lys. Car vous ne verrez jamais une abeille récolter ou mêler des pollens de couleurs ou d'espèces différentes. Et l'assortiment méthodique dans les greniers, suivant les nuances et l'origine de la belle farine parfumée, est une des grandes préoccupations de la ruche. Ainsi sont distribués les ordres par le génie caché. Aussitôt, les travailleuses sortent en longue file, et chacune d'elles vole droit à sa tâche. Il semble, dit de Layens, que les abeilles soient parfaitement renseignées sur la localité, la valeur mellifère relative et la distance de toutes les plantes qui sont dans un certain rayon autour de la ruche. Si on note avec soin les diverses directions que prennent les butineuses, et si l'on va observer en détail la récolte des abeilles sur les diverses plantes d'alentour, on constate que les ouvrières se distribuent sur les fleurs proportionnellement à la fois au nombre des plantes d'une même espèce et à leur richesse mellifère. Il y a plus. Elles estiment chaque jour la valeur du meilleur liquide sucré qu'elles peuvent récolter. Si par exemple au printemps, après la floraison des saules, au moment où rien n'est encore fleuri dans les champs, les abeilles n'ont guère pour ressource que les premières fleurs des bois. On peut les voir visiter activement les anémones, les pulmonaires, les ajoncs et les violettes. Quelques jours plus tard, des champs de choux et de colza viennent-ils à fleurir en assez grand nombre, on verra les abeilles abandonner presque complètement la visite des plantes des bois, encore en pleine floraison, pour se consacrer à la visite des fleurs de choux ou de colza. Chaque jour, elles règlent ainsi leur distribution sur les plantes de manière à récolter le meilleur liquide sucré dans le moins de temps possible. On peut donc dire que la colonie d'abeilles, aussi bien dans ses travaux de récolte que dans l'intérieur de la ruche, sait établir une distribution rationnelle du nombre d'ouvrières, tout en appliquant le principe de la division du travail. 11. Mais, dira-t-on, que nous importe que les abeilles soient plus ou moins intelligentes ? Pourquoi peser ainsi, avec tant de soin, une petite trace de matière presque invisible, comme s'il s'agissait d'un fluide dont dépendissent les destinées de l'homme ? Sans rien exagérer, je crois que l'intérêt que nous y avons est des plus appréciables. À trouver, hors de nous, une marque réelle d'intelligence, nous éprouvons un peu de l'émotion de Robinson découvrant l'empreinte d'un pied humain sur la grève de son île. Il semble que nous soyons moins seuls que nous ne croyons l'être. Quand nous essayons de nous rendre compte de l'intelligence des abeilles, c'est en définitive le plus précieux de notre substance que nous étudions en elles. C'est un atome de cette matière extraordinaire qui, partout où elle s'attache, a la propriété magnifique de transfigurer les nécessités aveugles, d'organiser, d'embellir et de multiplier la vie, de tenir en suspens, d'une manière plus frappante, la force obstinée de la mort et le grand flot inconsidéré qui roule presque tout ce qui existe dans une inconscience éternelle. Si nous étions seuls à posséder et à maintenir une parcelle de matière en cet état particulier de floraison ou d'incandescence que nous nommons l'intelligence, nous aurions quelque droit de nous croire privilégiés, de nous imaginer que la nature atteint en nous une sorte de but. Mais voilà toute une catégorie d'êtres, les hyménoptères, où elle atteint un but à peu près identique. Cela ne décide rien, si l'on veut, mais le fait n'en occupe pas moins un rang honorable parmi la foule des petits faits qui contribuent à éclairer notre situation sur cette terre. Il y a là, d'un certain point de vue, une contre-épreuve de la partie la plus indéchiffrable de notre être. Il y a là des superpositions de destinées que nous dominons d'un lieu plus élevé qu'aucun de ceux que nous atteindrons pour contempler les destinées de l'homme. Il y a là, en raccourci, de grandes et simples lignes que nous n'avons jamais l'occasion de démêler ni de suivre jusqu'au bout dans notre sphère démesurée. Il y a là l'esprit et la matière, l'espèce et l'individu, l'évolution et la permanence, le passé et l'avenir, la vie et la mort, accumulés dans un réduit que notre main soulève et que nous embrassons d'un coup d'œil. Et l'on peut se demander si la puissance des corps et la place qu'ils occupent dans le temps et l'espace modifient autant que nous le croyons l'idée secrète de la nature, que nous nous efforçons de saisir dans la petite histoire de la ruche, séculaire en quelques jours, comme dans la grande histoire des hommes dont trois générations débordent un long siècle. 12. Reprenons donc, où nous l'avions laissé, l'histoire de notre ruche pour écarter, autant que possible, un des plis du rideau de guirlande au milieu duquel l'essaim commence à éprouver cette étrange sueur, presque aussi blanche que la neige et plus légère que le duvet d'une aile. Car la cire qui naît ne ressemble pas à celle que nous connaissons tous. Elle est immaculée, impondérable. Elle paraît vraiment l'âme du miel, qui est lui-même l'esprit des fleurs, évoqué dans une incantation immobile, pour devenir plus tard entre nos mains, en souvenir sans doute de son origine où il y a tant d'azur, de parfums, d'espaces cristallisés, de rayons sublimés, de pureté et de magnificence, la lumière odorante de nos derniers autels. 13. Il est fort difficile de suivre les diverses phases de la sécrétion et de l'emploi de la cire dans un essaim qui commence à bâtir. Tout se passe au profond de la foule, dont l'agglomération de plus en plus dense doit produire la température favorable à cette exsudation qui est le privilège des plus jeunes abeilles. Hubert, qui les étudia le premier avec une patience incroyable et au prix de dangers parfois sérieux, consacre à ces phénomènes plus de 250 pages intéressantes, mais forcément confuses. Pour moi, qui ne fais pas un ouvrage technique, je me bornerai, en m'aidant au besoin de ce qu'il a si bien conservé, à rapporter ce que chacun peut voir qui recueille un essaim dans une ruche vitrée. Avouons d'abord qu'on ne sait pas encore par quelle alchimie le miel se transforme en cire dans le corps plein d'énigmes de nos mouches suspendues. On constate seulement qu'au bout de 18 à 24 heures d'attente, dans une température si élevée qu'on croirait qu'une flamme couve au creux de la ruche, des écailles blanches et transparentes apparaissent à l'ouverture de quatre petites poches situées de chaque côté de l'abdomen de l'abeille. Quand la plupart de celles qui forment le cône renversé ont ainsi le ventre galonné de lamelles d'ivoire, on voit tout à coup l'une d'elles, comme prise d'une inspiration subite, se détacher de la foule, grimper rapidement le long de la multitude passive jusqu'au faîte intérieur de la coupole où elle s'attache solidement tout en écartant à coups de tête les voisines qui gênent ses mouvements. Elle saisit alors avec les pattes et la bouche l'une des huit plaques de son ventre. La rogne, la rabote, la ductilise, la pétrit dans sa salive, la ploie et la redresse, l'écrase et la reforme, avec l'habileté d'un menuisier qui manierait un panneau malléable. Enfin, lorsque la substance malaxée de la sorte lui paraît avoir les dimensions et la consistance voulues, elle l'applique au sommet du dôme, posant ainsi la première pierre, ou plutôt la clé de voûte de la cité nouvelle, car il s'agit ici d'une ville à l'envers, qui descend du ciel et ne s'élève pas du sein de la terre comme une ville humaine. Cela fait, elle ajuste à cette clé de voûte, suspendue dans le vide, d'autres fragments de cire qu'elle prend à mesure sous ses anneaux de corne. Elle donne à l'ensemble un dernier coup de langue, un dernier coup d'antenne. Puis, aussi brusquement qu'elle est venue, elle se retire et se perd dans la foule. Immédiatement, une autre la remplace, reprend le travail au point où elle l'avait laissé, y ajoute le sien, redresse ce qui ne paraît pas conforme au plan idéal de la tribu, disparaît à son tour, tandis qu'une troisième, une quatrième, une cinquième lui succèdent, en une série d'apparitions inspirées et subites, aucune n'achevant l'œuvre, toutes apportant leur part au labeur unanime. 14. Un petit bloc de cire encore informe pend alors au sommet de la voûte. Quand il paraît de grosseur suffisante, on voit surgir de la grappe une autre abeille dont l'aspect diffère sensiblement de celle des fondatrices qui l'ont précédée. On pourrait croire, à voir la certitude de sa détermination et l'attente de celle qui l'entoure, que c'est une sorte d'ingénieur illuminé qui tout à coup désigne dans le vide la place que doit occuper la première cellule, dont dépendront mathématiquement celles de toutes les autres. En tout cas, cette abeille appartient à la classe des ouvrières sculpteuses ou ciseleuses, qui ne produisent pas de cire et se contentent de mettre en œuvre les matériaux qu'on leur fournit. Elle choisit donc l'emplacement de la première cellule, creuse un moment dans le bloc en ramenant vers les bords qui s'élèvent autour de la cavité la cire qu'elle ôte dans le fond. Ensuite, comme l'avaient fait les fondatrices, elle abandonne soudain son ébauche, une ouvrière impatiente la remplace et reprend son œuvre qu'une troisième achèvera, pendant que d'autres entament, autour d'elle, selon la même méthode de travail interrompue et successif, le reste de la surface et le côté opposé de la paroi de cire. On croirait qu'une loi essentielle de la ruche y divise l'orgueil de la besogne et que toute œuvre y doit être commune et anonyme pour qu'elle soit plus fraternelle. 15. Bientôt, le rayon naissant se devine. Il est encore lenticulaire, car les petits tubes prismatiques qui le composent, inégalement prolongés, s'accourcissent en une dégradation régulière du centre aux extrémités. À ce moment, il a à peu près l'apparence et l'épaisseur d'une langue humaine, formée sur ses deux faces de cellules hexagones juxtaposées et adossées. Dès que les premières cellules sont construites, les fondatrices fixent à la voûte un deuxième, puis à mesure un troisième et un quatrième bloc de cire. Ces blocs s'échelonnent à intervalles réguliers et calculés de telle sorte que lorsque les rayons auront acquis toute leur force, ce qui n'a lieu que beaucoup plus tard, les abeilles auront toujours l'espace nécessaire pour circuler entre les parois parallèles. Il faut donc que dans leur plan, elles prévoient l'épaisseur définitive de chaque rayon, qui est de 22 ou 23 millimètres, et en même temps la largeur des rues qui les séparent et qui doivent avoir environ 11 millimètres de large, c'est-à-dire le double de la hauteur d'une abeille, puisque, entre les rayons, elles auront à passer dos à dos. D'ailleurs, elles ne sont pas infaillibles, et leur certitude ne paraît pas machinale. Dans des circonstances difficiles, elles commettent parfois d'assez grosses erreurs. Il y a souvent trop d'espace entre les rayons ou trop peu. Elles y remédient alors du mieux qu'elles peuvent, soit en faisant obliquer le rayon trop rapproché, soit en intercalant dans le vide trop grand un rayon irrégulier. Il leur arrive parfois de se tromper, dit à ce propos Réaumur, et c'est encore un des faits qui semble prouver qu'elle juge. 16. On sait que les abeilles construisent quatre espèces de cellules. D'abord, les cellules royales, qui sont exceptionnelles et ressemblent à un gland de chêne. Ensuite, les grandes cellules réservées à l'élevage des mâles et à l'emmagasinage des provisions quand les fleurs surabondent. Puis, les petites cellules qui servent de berceaux aux ouvrières et de magasins ordinaires. Et normalement occupent à peu près les 8/10 de la surface bâtie de la ruche. Enfin, pour relier sans désordre les grandes aux petites, elles édifient un certain nombre de cellules de transition. À part l'inévitable irrégularité de ces dernières, les dimensions du deuxième et du troisième type sont si bien calculées qu'au moment de l'établissement du système décimal, lorsqu'on chercha dans la nature une mesure fixe, qui put servir de point de départ et d'étalon incontestable, Réaumur proposa l'alvéole de l'abeille. Note. On rejeta, non sans motif, cet étalon. Le diamètre des alvéoles est d'une régularité admirable, mais, comme tout ce qui est produit par un organisme vivant, il n'est pas mathématiquement invariable dans la même ruche. En outre, comme le fait remarquer M. Maurice Girard, les diverses espèces d'abeilles ont un apothème d'alvéoles distinct, de sorte que l'étalon serait différent d'une ruche à l'autre, suivant l'espèce d'abeille qu'on y trouve. Fin de note. Chacun de ces alvéoles est un tuyau hexagone posé sur une base pyramidale, et chaque rayon est formé de deux couches de ces tuyaux opposés par la base, de telle manière que chacun des trois rhombes ou losanges qui constituent la base pyramidale d'une cellule de l'avers forme en même temps la base également pyramidale de trois cellules du revers. C'est dans ces cellules prismatiques qu'est emmagasiné le miel. Pour éviter que ce miel s'en échappe pendant le temps de sa maturation, ce qui arriverait inévitablement s'ils étaient strictement horizontaux, comme ils paraissent l'être, les abeilles les relèvent légèrement selon un angle de 4 ou 5 degrés. Outre l'épargne de cire, dirait au mur, en considérant l'ensemble de cette merveilleuse construction, outre l'épargne de cire qui résulte de la disposition des cellules, outre qu'au moyen de cet arrangement, les abeilles remplissent le gâteau sans qu'il y reste aucun vide, il en revient encore des avantages par rapport à la solidité de l'ouvrage. L'angle du fond de chaque cellule, le sommet de la cavité pyramidale, est arc-bouté par l'arête que font ensemble deux pans de l'hexagone d'une autre cellule. Les deux triangles, ou prolongements des pans hexagones qui remplissent un des angles rentrants de la cavité renfermée par les trois rhombes, forment ensemble un angle plan par le côté où ils se touchent. Chacun de ces angles, qui est concave en dedans de la cellule, contient du côté de sa convexité une des lames employées à former l'hexagone d'une autre cellule. Et cette lame, qui s'appuie sur cet angle, tient contre la force qui tendrait à les pousser en dehors. C'est ainsi que les angles se trouvent fortifiés. Tous les avantages que l'on pouvait demander par rapport à la solidité de chaque cellule lui sont procurés par sa propre figure et par la manière dont elles sont disposées les unes par rapport aux autres. 17. Les géomètres savent, dit le docteur Reid, qu'il n'y a que trois sortes de figures que l'on puisse adopter pour diviser une surface en petits espaces semblables, de forme régulière et de même grandeur, sans interstice. Ce sont le triangle équilatéral, le carré et l'hexagone régulier qui, en ce qui concerne la construction des cellules, l'emporte sur les deux autres figures au point de vue de la commodité et de la résistance. Or, c'est justement la forme hexagone que les abeilles adoptent, comme si elles en connaissaient les avantages. De même, le fond des cellules se compose de trois plans qui se rencontrent en un point, et il a été démontré que ce système de construction permet de réaliser une économie considérable en fait de travail et de matériaux. Encore, la question était-elle de savoir quel angle d'inclinaison des plans correspond à l'économie la plus grande, problème de haute mathématique qui a été résolu par quelques savants, entre autres Maclaurin, dont on trouvera la solution dans le compte rendu de la Société royale de Londres. Note. Réaumur avait proposé au célèbre mathématicien Koenig le problème suivant. Entre toutes les cellules hexagonales à fond pyramidal, composées de trois rhombes semblables et égaux, déterminez celle qui peut être construite avec le moins de matière. Koenig trouva qu'une telle cellule avait son fond fait de trois rhombes, dont chaque grand angle était de 109 degrés 26 minutes et chaque petit de 70 degrés 34 minutes. Or, un autre savant, Maraldi, ayant mesuré aussi exactement que possible les angles des rhombes construits par les abeilles, fixa les grands à 109 degrés 28 minutes et les petits à 70 degrés 32 minutes. Il n'y avait donc entre les deux solutions qu'une différence de 2 minutes. Il est probable que l'erreur, s'il y en a une, doit être imputée à Maraldi plutôt qu'aux abeilles, car aucun instrument ne permet de mesurer avec une précision infaillible les angles des cellules qui ne sont pas assez nettement définis. Un autre mathématicien, Cramer, à qui l'on avait soumis le même problème, donna d'ailleurs une solution qui se rapproche encore davantage de celle des abeilles, soit 109°28′5″ pour les grands et 70°31′5″ pour les petits. Maclaurin, rectifiant Koenig, donne 70°32′ et 109°28′. M. Léon Lalanne, 109°28′16″ et 70°81′44″. Voir sur cette question discutée, Maclaurin, Philosophy Trans of London, 1743, Brougham, Recherche anatomique expérimentale sur les alvéoles des abeilles, Lalanne, Notes des abeilles, etc. Fin de note. Or, l'angle ainsi déterminé par le calcul correspond à celui que l'on mesure au fond des cellules. 18. Certes, je ne crois pas que les abeilles se livrent à ces calculs compliqués, mais je ne crois pas davantage que le hasard ou la seule force des choses produise ces résultats étonnants. Pour les guêpes, par exemple, qui construisent comme les abeilles des gâteaux à cellules hexagones, le problème était le même et elles l'ont résolu d'une manière bien moins ingénieuse. Leurs rayons n'ont qu'une couche de cellules et ne possèdent pas le fond commun qui sert à la fois aux deux couches opposées du gâteau de l'abeille. De là, moins de solidité, plus d'irrégularité et une perte de temps, de matière et d'espace que l'on peut estimer au quart de l'effort et au tiers de l'espace nécessaire. Pareillement, les trigones et les mélipones, qui sont de véritables abeilles domestiques, mais d'une civilisation moins avancée, ne construisent leurs cellules d'élevage que sur un rang et appuient leurs gâteaux horizontaux et superposés sur d'informes et dispendieuses colonnes de cire. Quant à leurs cellules à provision, ce sont de grandes outres assemblées sans ordre, et là où elles pourraient s'intersecter, par conséquent réaliser l'économie de substances et d'espace dont profitent les abeilles, les mélipones, sans s'aviser de cette économie possible, insèrent maladroitement entre les sphères des cellules à parois planes. Aussi, quand on compare un de leurs nids à la cité mathématique de nos mouches à miel, on croirait voir une bourgade de huttes primitives à côté d'une de ces villes implacablement régulières qui sont le résultat, peut-être sans charme, mais logique, du génie de l'homme qui lutte plus âprement qu'autrefois contre le temps, l'espace et la matière. 19. La théorie courante, d'ailleurs renouvelée de Buffon, soutient que les abeilles n'ont pas du tout l'intention de faire des hexagones à base pyramidale, qu'elles veulent simplement creuser dans la cire des alvéoles ronds, mais que leurs voisines et celles qui travaillent sur d'autres faces du gâteau, creusant en même temps avec les mêmes intentions, les points où les alvéoles se rencontrent prennent forcément une forme hexagonale. C'est, ajoute-t-on, ce qui arrive pour les cristaux, pour les écailles de certains poissons, pour les bulles de savon, etc. C'est encore ce qui arrive dans l'expérience suivante que propose Buffon. Qu'on remplisse, dit-il, un vaisseau de pois ou de quelque autre graine cylindrique, et qu'on le ferme exactement après y avoir versé autant d'eau que les intervalles entre les graines peuvent en recevoir. Qu'on fasse bouillir cette eau, tous ces cylindres deviendront des colonnes à 6 pans. On en voit clairement la raison qui est purement mécanique. Chaque graine, dont la figure est cylindrique, tend, par son renflement, à occuper le plus d'espace possible dans un espace donné. Elles deviennent donc toutes nécessairement hexagones par la compression réciproque. Chaque abeille cherche à occuper de même le plus d'espace possible, dans un espace donné. Il est donc nécessaire aussi, puisque le corps des abeilles est cylindrique, que leurs cellules soient hexagones par la même raison des obstacles réciproques.